grain de sel dans l'océan, qui n'a même pas levé la main quand il a fui sa vie d'avant. Ce n'était qu'un être humain, grain de sel dans l'océan, qui n'a même pas levé la main quand il a fui sa vie d'avant.